De tous les âges, les hommes ont tenté de percer le secret de la vie éternelle. Toutes sortes d'expériences et de manipulations ont été tentées. Les possibilités médicales et scientifiques ont été mises en commun, et même les pratiques ésotériques ont été mises à contribution. Rien n'a permis de déceler cette énigme sans réponse. Et pourtant, pourquoi s'entêter à vouloir acquérir cette chimère? Votre vie éternelle se transformera aussi en travail éternel, en obligation éternelle, en maladie éternelle, et ainsi de suite. Est-ce que ceci est une récompense? Mais le pire de tout, la vie éternelle causerait un des pires fléaux possibles, une abomination qui risquerait de faire basculer la population entière dans une folie sans borne. Ce fléau serait celui-ci, un sinistros éternel. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin fou et son assistant pas trop fin. Pourquoi? Parce que nous sommes du genre à chercher le moyen de redonner la vie de façon éternelle. Priez pour ne pas y survivre en foire. 'Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause Pendragon fucking said so. Salut, ici Snake de Voivode. Vous êtes sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières. Bye bye! Go. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Hé, hey, capitaine! J'ai trouvé une carte au trésor! Montre-moi donc ça, mon petit moussaillon! Qu'est-ce que c'est ça, le logo de la barrique à la place du X? On manque justement de bière! Vigie! Qu'est-ce qu'il y a? Cap vers les Trois-Rivières! Hé, hey, vous avez l'air de savoir où ça s'en va, capitaine! Ben oui, mon moussaillon! La légende dit que la barrique, c'est LE lieu de prédilection pour les amateurs de bière de microbrasserie québécoise, d'importation et de savoureux produits du terroir. Pis si tu veux pas que je t'enferme dans une barrique, commence à ramer tout de suite. La barrique, 41-70, boulevard des Forges, Trois-Rivières. Lorsque tu étais petit, tu tripais sur Home Alone et ta mère t'a acheté la petite télécommunicassette. Oui, c'est ça, la télécommunicassette, l'enregistreur gris. T'es passionné par le micro, même que des fois, ben, tu parles dans ton cornet de crème glacée puis c'est un peu gênant en public. Ben, c'est aujourd'hui que tu peux te prendre en main. Franchis la porte de ces fous puis réalise ton rêve. Parce que tes parents croient peut-être pas en toi, mais moi, je crois en toi. Garde-toi. Fais-moi goûter ton cornet aussi, il a l'air bon. Visite cifou.ca et télécharge les formulaires de dépôt de projet d'émission ou viens nous voir sur le campus. Pour information, prog cifou à commercial uqtr.ca. À Cifou, les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 9 avril de l'an de disgrâce 2013. Je suis le Dr. Payne Pendragon et mon assistant. Et ce soir, c'est un invité surprise, c'est Sinistrose. Eh bien le bonsoir. C'est une mauvaise surprise. Eh oui. Eh bien le bonsoir. Comme à tous les mardis soirs. C'est ici, c'est tous les soirs mardi gras. Eh oui, c'est des grands mardis. Mais pas à cause de toi. Non, parce que moi, je suis pas grand. Non, toi, tu pèses 62 livres. C'est cela. En fait, t'as pris du poids, je pense. Oui, hein? Je pesais 61 la semaine passée. Effectivement. Ça va, Sinistrose? Mis à part mon aliénation mentale qui fait défaut, ça va bien. Oui, elle te coule par le nez, d'ailleurs. Oui, elle dégoûte... C'est cela. De tout à l'heure, il a éternué, il a perdu 75% des 25% d'intelligence qui lui restait. Donc, oui. Il est dans le négatif de 50%. Et voilà. Je suis encore en train d'éponger mon intelligence par terre. Oui. Essayer de la retrouver. Oui, parce que dépêche-toi, elle fuit par le seuil de porte. Oui, j'ai vu qu'il y avait une espèce de caniveau et il va falloir que j'aille creuser... Oh, c'est peine perdue, hein. Rendu là, quand ça tombe dans le caniveau, tu pourrais la mélanger avec tout. Non, vas-y. Ça se mélange avec toutes sortes de choses qui vont sûrement être bénéfiques pour toi. Ah, ça pourrait être très bon, très bon. Au pire des cas, je dirais chercher l'intelligence de quelqu'un d'autre. Jean Charest, par exemple. Pense à quelqu'un d'autre. Ce soir, nous avons une émission qui est très allégée parce que, en fait, c'était le seul bloc musical que nous avions pour vous de la soirée. Terminé. Alors, à la semaine prochaine. Non, parce que le restant de l'émission, nous allons le faire sous forme de souper-causerie. Ah! Nous allons te faire cuire et je vais en parler. Docteur veut savoir. Voilà. Je ferai une Jeannette de moi. Non, c'est faux. Nous avons une mission effectivement chargée parce que Sinistros a des présentations. Moi, j'ai un spécial et j'ai une micro-présentation. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure je dis micro. Parce que ce sera pas vraiment long. Pour des raisons que... Que t'es numéré. Voilà, c'est ça. Je m'étendrai un peu plus tout à l'heure sur le sujet. Mais à l'instant, avant la publicité, nous avons entendu ses premiers choix musicaux qui étaient mon premier bloc, qui était constitué de ceci, Witchburner et la pièce Break the Skulls, la pièce d'ouverture de l'album Demons, qui est paru en 2010. C'est très bon album. Oui, c'est un bon album, mais comme je le disais, on discute ensemble hors onde. J'aime beaucoup l'aspect trash speed de cet album. Par contre, à la longue, le petit vocal un peu japeux m'énerve, là. Tu sais, mais 4-5 pièces correctes, là. Mais à la fin de l'album au complet, c'est assez. C'était effectivement l'avant-dernier album, parce qu'il y en a un autre de paru sur l'étiquette Evil Spell. Par contre, le nouveau, je peux pas vous dire sur quelle étiquette il est. Auparavant, nous avions Gravedigger et la pièce God of Terror, qui est tirée du dernier album Clash of the Gods, qui est paru en 2012 sur Napalm Records. Nous avions Exodus et Blacklist, tirés de Temple of the Damned, un album de 2004 sur Nuclear Blast, avec le chanteur préféré de Sinistrose. Ouais. Steve Souza. Zitro. Razor, juste avant Exodus, et la pièce Fast and Loud, tirée de l'album Executioner's Song, qui est paru en 1985 sur RT, que nous avions ouvert avec Vaivod et la pièce Fix My Heart, pièce d'ouverture du très bon album et très bonne pièce. D'ailleurs, The Outer Limits, qui est paru en 1993 sur MCA. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette pièce-là. Ben, en fait, je pense que l'album est tout bon, l'album, effectivement. Et oui, nous avions un invité spécial, nous avions Snake ici pour nous dire, donner l'indicatif de la radio avant la pièce. Eh bien, mais il est reparti. J'avais annoncé plus tôt sur Facebook que nous avions une entrevue exclusive avec Nana Mouskouri. Qui vient. Oui, elle n'est pas arrivée. Hein? Ben, je pense qu'elle s'est désistée. Je crois qu'elle elle a préféré ne pas venir parler de son penchant satanique et sa dévotion à Aleister Crowley. C'est peut-être Aleister qui... S'il lui a fait comprendre que ce serait pas une bonne idée qu'il associe son nom à elle. Elle cherche peut-être encore ses lunettes. Et pourtant. Et pourtant. Oui. Bref, comme je le disais, tu as des présentations pour nous ce soir, qui seront probablement vraiment poches. Aussi plates que d'habitude. Oui. Ben, au moins, t'es égal à toi-même. Oui, oui, c'est correct. T'as une certaine intégrité. Je nivelle par le bas. C'est une certaine intégrité que tu observes, et je dois dire que j'admire ça. C'est préserver la pourriture. Oui, et en parlant de pourriture, tu vas-tu nous dire ce qu'on va écouter? Oui. Bon! Formation française qui donne dans le... Non. On passe pas ça. OK. Fait que passe à l'autre bloc. Formation française qui donne dans le death industriel, assez bonne découverte pour ma part. Ça s'appelle No Ain. C'est une demoiselle qui chante. En tout cas, ils n'ont pas appelé ça chanter. Ou ils n'ont pas appelé ça une demoiselle. Ils n'ont pas appelé. Ben non, quand même. Charitable. Charitable, effectivement. C'est un album qui s'appelle Infection Erasure Replacement. C'est paru en 2013 sur Metallian Editions. Label que je connais pas, mais est-ce que ça a peut-être rapport avec le magazine Metallian? Ils ont peut-être un label C'est une supposition qui se tient. Ben, en tout cas, 1 plus 1, des fois, ça fait plus que 2, là, mais oui, dans ce cas-là, faudrait peut-être vérifier. C'est une hypothèse. Alors, on va entendre les pièces Liar's Dream, Born to Resist, The End et Human Update. Ça sera suivi de Doth avec une pièce de l'album éponyme Doth qui est paru en 2010 parce que je trouvais que ça fitait comme les deux bandes ensemble. Là. Tu trouves alors, ça, toi? Ben, j'en trouve bien des affaires. Ouais, ouais, effectivement. Alors, allons-y tout de suite. No Wayne, tu me parais. No Aid avec Lars Dream à réanimation. Go! Let's go. Bonjour, M. Mozart. Chaque samedi matin, de 10h à midi, sur les ondes de C'est fou, si vous voulez écouter de la musique classique et de temps à autre de la chansonnette française dite classique, c'est Charles Roberge qui vous parle et qui vous invite à écouter cette émission chaque samedi matin, de 10h à midi. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. Tous les mercredis à 15h, écoutez Dans mes écouteurs avec Joanie pour une sélection musicale rock variée. Dans mes écouteurs, les mercredis, 15h. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou de la musique. C'est fou 89 ans. 89 ans. The enemy is now in sight above the palace. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Et vous venez d'entendre, avant cette publicité, la première présentation de cet amalgame d'organes et de pseudo-neurones qu'est Sinistro. Eh oui! On vient d'entendre formation américaine Doth avec Indestructible Overdose. C'est tiré de l'album éponyme Doth de 2010. C'est apparu sur Century Media. Tu vas être habillé d'en sortir un autre éventuellement, eux autres. J'imagine. Tout juste avant, on a eu la présentation de l'album Infection Erasure Replacement de la formation française No Wayne. On a entendu les pièces Human Update, The Hand, Born to Resist et Liar's Dream. C'est paru sur Metallian Editions il n'y a pas très longtemps. Difficile de croire par moment que c'est une fille qui chante. Ça déplace de l'air. Hein? Effectivement. D'ailleurs, je regardais la photographie tout à l'heure. Elle est pas vraiment pas grosse. ceci étant dit, je vais vous parler de cinéma tout à l'heure. Je vais vous parler aussi de musique, de nouveaux trucs. Mais je vais garder ça un peu plus tard parce que là, il me tarde de vous présenter ce spécial Hopeth que j'ai préparé, dont je vous avais parlé la semaine dernière. Parce que Hopeth sera dimanche le 21 avril prochain à Québec. Et moi aussi. C'est une formation extraordinaire à voir. Tu les as vus, toi? C'est vraiment bon. C'est trop cool. C'est ça. Bon. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pour ça qu'il faut aller les voir souvent, quand ils viennent. Donc, c'est trois pièces tirées de trois albums qui sont respectivement Watershed. Ben, en fait, je vais le dire en ordre de croissance. Pas de croissance, mais chronologique. Blackwater Park, Ghost Reveries et Watershed. J'ai tiré trois pièces qui totalise pratiquement 30 minutes, parce qu'on s'entend qu'au fait, c'est pas des pièces de 3 minutes, là, généralement, là. 3 minutes et demie. Ouais, c'est ça, dingue, j'arrive pas à ça, moi. Dans 3 minutes et demie. Donc, on va pas se taper, mais on va bien se délecter des trois pièces suivantes, The Leper Affinity, The Baying of the Hounds, et Hear Apparent, successivement sur ces trois albums qui sont de 2001 à 2008. Et on débute tout de suite avec The Leper Affinity. Quelle bonne pièce. Hopeth. Thank you.

Bonjour, M. Mozart. Chaque samedi matin, de 10h à midi, sur les ondes de C'est fou, si vous voulez écouter de la musique classique et de temps à autre de la chansonnette française dite classique, c'est Charles Roberge qui vous parle et qui vous invite à écouter cette émission chaque samedi matin, de 10h à midi. L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Zitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Zitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Zitel, allez plus loin. Tous les mercredis à 15h, écoutez Dans mes écouteurs avec Joanie pour une sélection musicale rock variée. Dans mes écouteurs, les mercredis, 15h. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de musique à découvrir. C'est fou de la scène émergente. C'est fou de scène émergente. C'est fou de la musique. C'est fou de la musique. C'est fou 89 ans. 89 ans. The enemy is now in sight above the palace. Et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM en compagnie de Limon, de Gobelin Sinistros et moi-même, l'informe Dr. Payne Pendragon. Nous venons d'entendre un petit spécial Hopeth, mais j'ai dit petit, s'il comprend. Quand même gros. Oui, mais c'est trois pièces, mais quand même pratiquement 30 minutes, là. Mm-hmm. Imagine les albums, toi. Ben, les albums de 70 minutes. Oui, absolument. Nous en donne pour notre argent. On vient d'entendre à l'instant Here Apparent, que l'on retrouve sur l'album Watershed, qui est paru en 2008, sur l'étiquette Roadrunner Records. Juste auparavant, nous avions The Baying of the Hounds, qui est paru sur l'album Ghost Reveries, paru en 2005 sur Roadrunner également. Et nous avions ouvert ce petit spécial avec The Leper Affinity, que l'on retrouve sur l'album Black Water Park. En fait, c'est la pièce d'ouverture de cet album qui est un pur chef-d'œuvre et qui est paru en 2001 sur Music for Nation. Notez que Hopeth seront en compagnie de Catatonia le 21 avril prochain à Québec. Et je vous dirai tout à l'heure, je crois que c'est au Capitole, si je ne m'abuse. Je vous donnerai la précision. C'est étrange, j'y vais, je me rappelle même plus c'est où je vais. Bon, c'est pas grave. T'es sûr, tu sais c'est où au Québec, là? Ben, c'est quelque part dans la province. Ah, au moins t'es pas pire, t'es pas pire. Bon, je vais pas en sortir de la province. Pas se poser. Je me ramasse au Labrador, par exemple. Ben, si jamais tu sors de la province, ben là, si tu reviras de bord, ben ça va passer tout droit. Laissez-moi vous parler quelque peu de cinéma, parce que j'aurais écouté quelque chose, ma foi, de fort intéressant. Ben, le oui. week-end dernier. Toi, je sais ce que c'est mon opinion, ne me compte. Bon, donc, c'est pas la question, c'est que tu m'as déjà dit ce que c'était, fait que ça intéresse plus personne. OK, il faut que je le dise. Es-tu un amateur des films de gangsters, Lynn? Ben, d'époque des années 30-40. Ben, ils vont de mafieux et compagnie, j'aime bien ça. Ben, je te conseille un excellent film qui porte le titre de Gangster Squad, qui est un film qui est très récent, en fait, c'est une nouveauté, qui met en vedette le très bon Sean Penn, Josh Brolin, entre autres. Et c'est l'histoire, ça se passe en 1949, c'est après la Prohibition, bien entendu, mais c'est quand même les relents, si tu veux, de ce qu'était la Prohibition, mais cette fois-ci, pas vis-à-vis de l'alcool, mais bien l'héroïne. Et c'est une portion de l'ascension et de la, je dirais plutôt de du contrôle que Mickey Cohen avait sur pratiquement tout ce qui était Los Angeles. Mickey Cohen était un ancien champion de boxe qui a probablement très mal tourné soit pendant sa carrière de boxeur ou par la suite. Il est devenu un parrain de la ben en fait, c'est de la mafia américaine. Quelqu'un de très, très violent et très, très, très, très brutal et très contrôlant. Tellement qu'à cette époque-là, il n'y avait aucune autorité qui avait droit de regard sur ce qu'il faisait. Tout ce qu'il faisait, tout le monde fermait les yeux. Les policiers, le FBI, les juges, tout le monde fermait les yeux jusqu'à ce que le chef de district de Los Angeles dise « On ne peut rien faire légalement, on va le faire illégalement. » Par en dessous. Oui, donc il a mandaté un de ses sergents pour recruter une petite escouade. Il devait évidemment être le moins possible pour pas attirer l'attention. Une petite escouade de 6 hommes et c'est vous laissez vos badges à la maison. Ça voulait tout dire. Ça voulait dire, le message est clair, prenez les moyens que vous voulez. Et cela a dégénéré lamentablement par moment. C'est un excellent film de gangster. C'est un très, très bon film. C'est de Ruben Fleischer. Ruben Fleischer, c'est un gars qui a fait quelques titres connus, mais qui m'ont pas nécessairement marqué, moi. Des films un peu plus, je dirais, voire familiaux, là. Mais il s'est vraiment lâché très, très lousse dans Gangster Squad. C'est très bien reconstitué, parce qu'on s'entend qu'il faut quand même, même si l'imagerie informatisée, il faut aller faire les recherches, savoir de quoi valait la ville, l'architecture, et ainsi de suite, à l'époque. C'est très, très bien fait. Il y a énormément de magouilles, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de fusillades. Il y a même des passes qui sont assez surprenantes, surtout il y a un bout avec des grenades allemandes, là, c'est assez bien ça là. Mais c'est très violent, c'est pas un film que je conseille aux âmes sensibles là, parce qu'il y a des règlements de compte qui se font à coups de drill dans la tête, là, des trucs comme c'est ça. C'est fun. Oui, mais nous autres on connaît ça là, mais tu sais, pour monsieur madame tout le monde qui est pas habitué de faire des lobotomies, ça peut paraître un peu déplacé. Ben, ouais, c'est pas si pire que ça. Non, c'est un très bon film, j'ai donné un 9 sur 10. Je le recommande énormément. Sean Penn, je sais pas si t'es un amateur de Sean Penn. J'ai de la misère un peu. Moi, j'ai toujours aimé ce que ce gars-là faisait. C'était, plus jeune, c'était un voyou, là. On s'entend que c'était pas quelqu'un, c'était quelqu'un de très peu fréquentable, mais c'est quelqu'un qui s'est très bien vieilli, très bien assagi, mais c'est un acteur qui prend ses rôles vraiment à cœur et c'est excellent. Et Josh Brolin, pour moi, c'est une découverte, là. Cet acteur-là est underdog longtemps. C'est le fils de James Brolin, d'un acteur célèbre des années 60-70. Il a vraiment pris sa place et vraiment, c'est un très bon acteur. Au même titre, je te dirais que on a pu voir un gars comme Johnny Depp avoir une ascension excellente au niveau du acting. Mais je pense que Brolin, c'est la même chose qu'il l'attend certainement. Avis aux intéressés, c'est loin, c'est le 18 octobre, mais on refait encore un remake de Carrie. Ouais, j'avais entendu parler de ça, mais ça risque d'être quand même pas pire. Je peux pas te dire, c'est un film qui est fait de la cinéaste Kimberly Pease. Ça met quand même en vedette Julianne Moore. Julianne Moore, c'est quand même pas une mauvaise actrice. Ben, moi, ce que je trouve un petit peu dommage, ça risque d'être bien, là. Mais ce que je trouve dommage, c'est que généralement, quand un film original est fait, puis en conséquence, ici, Carrie, qui est l'adaptation d'un roman Stephen King, c'était fait dans le mood du roman. Ben, c'est à peu ça. Près au moment où il est sorti c'est ou ça. Peu de temps après. Je pense que ce que j'ai pu voir des remakes de ce genre de films-là, c'est que souvent il y avait beaucoup de largeur d'esprit qui était au niveau de l'adaptation, puis c'était pas très, très fidèle. C'est à suivre. Ben, c'est une adaptation, hein, c'est pas que tu le dises. Ouais, ben, eux autres, ils le baptisent comme étant un remake, là. Fait que c'est peut-être pas adaptation, je le sais pas. Il y a un autre film qui met en valette Ethan Hawke. Tu connais Ethan Hawke? Oui. Bon. Il s'appelle The Purge. Ça va être en salle le 31 mai. Et le scénario l'espèce de synthèse du scénario est intéressant. C'est une fois par année, pendant une nuit complète, n'importe qui a le droit de commettre n'importe quel crime sans aucune punition. Ah. Ça risque d'être assez... assez débile. Assez débile. La semaine prochaine, je vais vous parler du deuxième Haunting in Connecticut, Ghost of Georgia. J'avais bien aimé le premier. Le premier était assez bien. Donc, le deuxième, je vais l'écouter pour la semaine prochaine. Je vous en parlerai. J'en ai aucune idée. Présentement, de quoi ça peut avoir l'air. Et cette semaine, il y a des films à revoir, à découvrir. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Je ne sais même pas cette année, en 71. Mais oui, c'était année. Oui, t'es né en quelle année, toi? Pas de tes affaires. C'est vrai. Ah, c'est vrai, t'es né en 1900, toi. Ouais. Le film Willard. Ça dit quelque chose? Ben, de nom, là. Avec les rats. Ben, Socrate. Non. Non? Dans le début des années 70, il y a eu une passe au cinéma qui était... C'était pas vieux, 71. Non? Non. Ben, tu dois avoir 71 ans, c'était né. C'était très jeune, oui. Ben, c'était né en 1900, t'avais pas 71 ans, 71? Mais c'est jeune, 71 ans. Ah, là. Ouais, c'est vrai. Juste l'âge à peine de concevoir qu'est-ce qui se passe dans la... Ouais, c'est vrai, pour un gobelin, c'est vrai. Dans les débuts des années 70, il y a eu une espèce de mode au cinéma qui était, dans les films d'horreur spécialement, qui était de se faire déchaîner la nature envers l'humain. que ce soit les forces naturelles qui causent le périple dans le film. Et Willard, qui était très, très important à ce niveau-là, il y a eu la suite Ben, mais c'était très, très plate. Puis en fait, c'était vraiment poche. Puis il y a eu le film Frogs aussi. Je sais pas si ça dit quelque chose, Frogs. De nom, là. Bon, c'est un film qui avait causé tout un émoi à l'époque. Willard aussi avait causé un émoi parce que c'était vraiment tourné avec de véritables rats, là. Puis il y en avait des milliers, là. Bref, grosso modo, c'est l'histoire d'un jeune commis de bureau qui est la risée de tous, qui est abusé par son patron, qui est abusé par ses collègues de travail, qui est ridiculisé, qui est voire même, je dirais, maltraité psychologiquement. Et il vit avec sa mère qui est extrêmement contrôlante, qui est constamment alitée, puis qui se fait servir par son fils. Il vit dans une espèce de grande maison victorienne qui est légèrement à l'abandon parce que lui-même peut pas suffire à tout. Il gagne un très petit salaire. Donc, il n'a pas les moyens de s'occuper de la demeure de façon adéquate. Et sa mère, à un moment donné, lui demande, je crois qu'il y a des rats dans le sous-sol, je dois que tu aies vérifié ça, puis que tu t'en débarrasses. Il va dans le sous-sol, qui est évidemment pas un sous-sol fini, comme on connaît aujourd'hui, mais avec la chaufferie, ainsi de suite, et il découvre effectivement un rat. Il en découvre 4-5. Donc, elle lui donne l'ordre de les noyer dans l'étang qu'il y a dans la cour. Fait qu'il les attrape dans une cage, puis il décide d'aller les noyer, mais à la dernière minute, il change d'idée. Il décide de pas les noyer. Puis il leur donne la chance de se sauver en mettant une planche pour laquelle ils vont pouvoir remonter l'étang. Puis ça a l'air un peu poche de dire ça comme ça, mais il se fait un chum avec un des rats, un rat blanc qu'il baptise Socrate. Et il y a un autre rat qui a une autre dualité qui s'appelle Ben, qui est le méchant, donc le bon et le méchant. Et il décide de dompter ces rats, qui, on s'entend que de la vermine, ça se reproduit assez rapidement, là. Il décide de faire reproduire les rats et de les dompter pour se venger. Mais il y a des passes hallucinantes. À un moment donné, il décide qu'il foule la valise de son auto de rats, puis qu'il retourne de soir au bureau où il travaille parce qu'il sait que son patron fait souvent du surtemps, seul, dans le bureau. Il fait débarquer les milliers de rats. Puis il dit, mangez. Ben, c'est un film, moi j'ai trouvé que c'était un film assez bon pour l'époque, mais j'étais très jeune à l'époque, ça m'avait un peu traumatisé, je dois dire. J'ai ce film-là aujourd'hui, je l'ai réécouté à l'occasion, puis c'est un film assez intéressant, fait que c'est un film qui sera peut-être à découvrir, si vous avez pas peur des rats, évidemment, parce qu'il y a juste ça dans le film. Peut-être le genre de film qu'ils vont éventuellement refaire. Il a été refait, le film. Il a été refait, bon. Il a été refait avec, comment il s'appelle déjà, lui-là, il a un grand nez, lui-là, là. Pinocchio? Non, je l'ai recherché tout à l'heure. C'est un film qui a été fait au début des années 2000, qui est assez moyen, sans doute. Là. Celui-là, l'original, est encore meilleur, je dois dire. Ça met en vedette Bruce Davison, Sandra Locke, qui était longtemps l'épouse de Clint Eastwood, et Ernest Borgnine, qui était un acteur très populaire dans les années 70. C'était un très bon acteur à l'époque. Hein? Effectivement. Ceci étant dit, qu'est-ce que nous allons écouter? De la musique de Satan. Ah non, pas encore! Formation suédoise qui existe depuis de nombreuses années. 89, tu m'as dit, je pense. Je pense que oui. Ça s'appelle Sorcery. Ouh! Ouh, ouh, c'est vrai, il fallait que j'aie peur. Ah! J'ai arrêté de manquer mes effets. Ouais, excusez. Avec un album qui s'appelle Arrival at Six, c'est paru sur Extreme Music il y a pas très longtemps. Moi, c'est un album que j'ai très bien apprécié, un bon death trash. Ça rentre dans le mythe, c'est le fun. On va entendre des pièces qui s'intitulent We Who Walk Among the Dead, Created from Darkness and Rage, Master of the Chains. Fait que juste pour te dire que ça niaise pas de l'époque, hein? Non, effectivement. Bon, ben allons-y. Sorcery. Go!

21h05. Et qu'est-ce que nous venons d'entendre? Et une formation portugaise qui a pour titre We Are the Damned. Avec une pièce qui s'appelle Serpent, c'est tiré de Holy Beast, qui est paru en 2011 sur Raging Planet Records. C'est un bon petit beat. Très bon beat. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, go. Ouais. C'est le fun. Avant la pause, on a eu la formation suédoise Sorcery avec l'album Arrival at Six, qui est paru sur Extreme Music il y a quelques semaines à peine. On a entendu les pièces Master of the Chains, Created from Darkness and Rage et We Who Walk Among the Dead. Formation qui me fait penser un petit peu à Entombed, formation qui vient de la même Il y a un petit son suédois, là, tu sais, vocal spécialement. Son Dead suédois, là. Ouais. Formation qui a débuté en 86, qui a eu une pause en 97, ouais, je pense. Ils ont sorti un album en 91. C'est leur deuxième full-length. Ça, c'est le deuxième. Ouais. Ils ont sorti quelques démos. Ils sont revenus en 2009. C'est cela. Mais généralement parlant, selon l'historique qu'on a vu, c'est principalement des démos et des compilations qu'ils ont fait. C'était bien, ça. C'était bien. Très bon. C'est le qualificatif est death metal, mais j'irais plus vers death trash roll, là, un peu à la M-Tune, effectivement. Ouais. 21h07, je vais vous parler de... Ben, je vais vous parler de musique, tiens. Ça donne bien, c'est une émission de musique qu'on a. Ben oui. Nouvel album de Cathedral, formation Doom, formation britannique, qui existe depuis, mais en fait, c'est une des figures de proue de ce mouvement, là, qui l'a pour le moins très popularisé. Nouvel album, The Last Spire, qui sortira le 29 avril prochain en version CD et LP aussi. Vinyle, si vous préférez. Sur Rise Above, j'ai eu le loisir d'écouter quelques pièces de ce nouvel album et moi, ça m'a bien plu. Ben moi, musicalement parlant, je trouve ça bien correct. Mais vocalement, c'est ça. Moi, je suis pas capable. T'es pas capable à l'idole? Non, t'es ça pas me tape ses nerfs. Ah ben, ouais. En fait, moi, ce que j'ai toujours apprécié de Cathedral, c'est évidemment le style plus doom qu'ils ont. Par moments, un peu plus énergique, là, mais généralement très très catacombe, si on veut. Là, très pesant, très glauque. Mais moi, j'ai toujours apprécié le vocal de Lee Dorian, parce qu'effectivement, c'est... On sait pas ce qui s'en va, là. Ça, ben, c'est pas un très bon chanteur. Non, hein. Pas vraiment. Mais, écoute, je le vois difficilement œuvrer avec une autre formation. Ben, en fait, une formation, mettons, métal, là. Pour le reste, j'ai aucune idée. C'est peut-être il y a peut-être des talents de chanteurs d'opéra extraordinaires, on en a aucune idée. Mais je le vois difficilement œuvrer avec une autre formation que Cathedral, simplement parce que je trouve que le style musical, la façon dont ils enveloppent leur composition se prête bien à avoir un vocal qui est déphasé un peu, voire limite faussé, là. Mm. Moi, j'ai bien aimé. Ce que j'ai entendu jusqu'à présent, moi, je donne facilement 8.5 sur 10. Là. C'est un album, puis je suis agréablement surpris parce que je pensais définitivement que ce groupe-là ne ferait plus d'enregistrement. C'est ce qu'ils avaient annoncé. Effectivement. Ils avaient annoncé que il y aurait probablement peut-être des spectacles encore à l'occasion, mais qu'il n'y aurait plus d'album proprement dit. Un peu comme Can Delmas a annoncé cet été. Hein. Je sais pas pourquoi. Quelle est la raison qui les a fait changer d'idée? C'est une raison pécuniaire, j'en ai aucune idée. C'est une raison parce que les gars ont dit, ben c'est ce qu'on sait faire et puis on va le faire, c'est tout, je sais pas. Bref, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Donc, Rise Above, c'est le label. The Last Spire, ce sera disponible le 29 avril prochain. Comme j'ai dit, en format CD et en format vinyle. Et de ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, le format vinyle sera relativement dispendieux. On parle ici d'une quarantaine de dollars. Yeah. Ouais, effectivement, mais bon. Qu'est-ce que tu veux? L'industrie veut ça, semblait-il. Je veux vous parler aussi de ce que je vais vous présenter dans quelques minutes, qui est le nouvel album de Suicidal Tendencies, formation qui existe depuis bon nombre d'années, qui a toujours, ben, au départ, ça a été très, très punkish, pour finalement rejoindre un style un peu plus crossover, et même par moments, un style beaucoup plus groove. Que moi, personnellement, ben, ils ont fait un autre band, justement, qui s'appelle Infectious Groove, avec Rob Trujillo. Ouais, c'est sûr. Effectivement, qui était l'ancien bassiste, en fait, pour une période de, je pense, 6 ans au sein de Suicidal, avant de se joindre avec Ozzy. Metallica, c'est ça. moi, l'album s'appelle 13, simplement parce qu'il y a 13 ans qu'ils n'ont pas sorti d'album studio originaux. J'avais pas énormément d'attentes. Honnêtement, Sinistros, ça fait longtemps que j'ai pas suivi la carrière de Suicide Attendance. Moi non plus, je pense que les deux, trois premiers albums, c'est tout. Mais j'ai des bons souvenirs de ces albums-là. Oui, oui. C'est des albums qui, à l'occasion, même, ça m'arrive de passer quelques pièces, là, ici à l'émission. Mais je me disais, bon, ben, peut-être que, parce que si on s'entend que Suicide Attendance, il y a tellement eu de staff qui a passé là. Vous avez pas Mike Muir, qui est le seul membre original encore à cette date de la formation du début. Je me suis dit, bon, ben, il va peut-être revenir à des sentiments meilleurs. Ben, écoute, l'album, moi, j'ai donné un 5 sur 10. Un maigre 5 sur 10. Parce que je trouve que cet album-là est très décevant. C'est très décevant, ça lève pas. La production y est pour quelque chose aussi. Tu sais, des fois, la pièce peut être un petit peu moins puissante, mais la production va y donner un punch. Il va faire que ça va faire, tu sais, ça va donner un peu de gras ici. Là, je pense que les pièces au départ sont pas excellentes, puis la production est rien pour aider. Ça sonne très sec, pis c'est très mou. Initialement, j'avais prévu de passer deux pièces, mais je vais faire seulement une seule et unique pièce, qui sera la première d'ouverture de l'album 13. La pièce s'appelle Shake It Out, donc faites-vous-en une idée par vous-même. Moi, personnellement, la mienne, elle est faite. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, ça fait pas mal en Walking on Sunshine. Ben, c'est ça. Ça fait vraiment Smash Mouth et trame sonore de Shrek. C'est beaucoup trop joyeux. Ça lève pas. Écoute, depuis que Rocky George n'est pas là, je pense que ça paraît énormément. Il n'y a plus d'agressivité au niveau de la guitare. Ben, c'est très L.A. C'est un son tout C'est commercial. C'est quasiment commercial. C'est Sunshine. Oui, c'est ça. Puis il manque vraiment de ce qu'était le côté underground, de ce que Suicidal avait à l'époque. Mais bref, bon. Vous en faites ce que vous voulez. C'est sur Suicidal Records. Pourquoi? Je ne sais pas. Ben, ça fait longtemps qu'ils sont là-dessus. Oui, mais il y a peut-être une raison aussi. Peut-être que tu as raison. Ben tu viens de me donner l'envie. Cette pièce-là, de pas poursuivre l'écoute du restant de l'album. Non, écoute, honnêtement, moi, j'ai été très, très déçu, puis je dois dire que c'est pas un très bon placement, là. Mais bon, je laissais la chance au coureur, et puis, ben, finalement, il courait très vite. Il va arriver bon dernier sur la piste de course, ça. Bon, on va poursuivre tout de suite avec du quoi de plus gras. On va entendre, entre autres, Raymond. On va entendre Immolation, mais on va entendre Vader. Vader. Dog!

Le jeudi, 21h. Le groupe des médias étudiants a besoin de votre présence pour son assemblée générale annuelle qui se tiendra le vendredi 12 avril 2013 à midi au 1006 Pierre Boucher. Nous comptons sur votre participation pour venir faire entendre votre voix sur les divers sujets qui se retrouvent à l'ordre du jour, ainsi que pour élire ou même vous impliquer sur le prochain conseil d'administration. Vendredi le 12 avril prochain, le GME vous attend à midi au 1006 Pierre Boucher pour son assemblée générale annuelle. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est fou. Les extrêmes, ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Nous sommes dans le dernier segment de cette édition de réanimation, mais laissez-moi avant tout vous dire ce que nous venons d'entendre avant cette pause publicitaire, soit la formation Hammond et la pièce Semblance of Man tirée de leur dernier album et pratiquement un des seuls. Le seul. Liar in Wait, paru en 2012 sur une autoproduction, c'est indépendant. C'est vraiment bon. C'est vraiment un excellent death metal qui, cette formation-là a vu le jour à l'époque avec Glenn Benton et les frères Hoffman qui devenaient Deicide plus tard et eux ont quitté Deicide et ont refait Hammond. Je pense que c'est une excellente idée. C'est auparavant, nous avions Immolation et la pièce Whispering Death que l'on retrouve sur l'album Shadows in the Light, paru en 2007 sur Listenable Records. Et nous avions ouvert avec Vader, la formation polonaise, et la pièce Dark Transmission que l'on retrouve sur l'album The Beast, paru en 2004 sur Metal Blade. Juste pour vous rappeler que ce vendredi, 12 avril, au Rockefeller Stage, Extreme Prods présente les formations 101 Proof, tribute à Pantera, Self Collapse, Satanic Glue Sniffers et Undead Process. Le spectacle est à 20h, c'est pour tous, il en coûtera 10$. Et n'oubliez pas que la prestation de la formation russe Arkona, prévue initialement le 28 avril au Café Le Stage, c'est malheureusement cancellé. C'est cancellé pour la tournée au complet. Ben oui, effectivement, ouais. Il rentre pas au Canada. Bon. C'est cela. La semaine prochaine, je vous entretiendrai d'un album que j'ai découvert, je dois dire quasiment malencontreusement, un album de death metal assez ordinaire. Je vous garde ça pour la semaine prochaine. Je vous parlerai probablement aussi du film Wreck Genesis, le troisième de cette série, qui est des films de contagion qui généralement sont assez bien. Film espagnol. Quant à moi, j'aurai une très grande surprise à vous présenter. Ben, c'est plus une surprise, là. Okay, tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend, bon. Un album qui est arrivé, qui va arriver en retard. Qui devait arriver aujourd'hui. Oui, qui va arriver mardi prochain. Et c'est? Nana Mouskouri. Non, on devait l'avoir comme en entrevue, pas comme album. Assez hésité. Ghost Infesté Soumam. Effectivement. Ça, mardi prochain. Tout à fait. Et cette fois-ci, dans l'ensemble de ses versions. Donc, avis aux intéressés, dont je suis, dont tu es, et plusieurs sons. Version standard CD, version de luxe, LP, et ainsi de suite. Il y a même des kits qui se vendent avec les t-shirts, des lithographies, et ça. Fait que, bon. Moi, je savais que tu voudrais faire la présentation de cet album-là, donc moi, je vais principalement faire deux spéciaux la semaine prochaine sur le piment vert et sur les oignons. C'est bon, ça. Oui, oui, les deux ensemble, c'est oui, très ben bon. Oui, c'est ça, c'est très, oui, très bon. Oui. Non, je vais me faire deux... Je me fais plaisir la semaine prochaine, Sinistros. Deux spéciaux sur deux bandes que j'aime énormément. Je fais un spécial sur Gojira et dans la même veine, un spécial sur Meshuggah. Ah, tu voulais m'achaler, hein? Ben, à peine, là, je dois dire. Un peu, hein? Ben, moi, je me suis dit, d'un autre côté, à force d'en faire entendre, peut-être qu'un jour, on va dire, ouais, finalement, je viens de comprendre ce qui se passe avec ça. Ah, c'est ça. Je viens de comprendre qu'il fallait que je mette le volume à off pendant que ça. Ou de la watt dans tes oreilles. C'est cela. Ou des watts dans tes oreilles. Ah, quel jeu de mots. Donc, ceci pour la semaine prochaine. Mais, comme toute bonne coutume doit se respecter, c'est à Sinistros qui incombe de terminer cette édition. Et on va terminer avec un petit bloc plus progressif, métal, avec Wintersorg, Borknagar, Isan et, si on a le temps, Shining. Alors, on commence tout de suite avec une vieille chanson de Wintersorg qui s'intitule Odermarken Sons. C'est tiré de l'album éponyme qui est paru en 99 sur Napalm Records. Go! C'est parti!

Là, c'est vrai que c'est la fin, ou à peu près. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre Ishan avec Introspection, tiré de l'album Eremita de 2012. C'est paru sur Candlelight Records. Tout juste avant, on a eu Bork Nagar avec Wintersorg au vocal, les vocaux clean. Avec la pièce Roots, c'est tiré de Herd, qui est paru en 2012 sur Century Media. Et on a eu Wintersorg avec la pièce Other Markinson, tiré de l'album éponyme, paru en 99 sur Napalm Records. C'est bien cela. Donc, on va se quitter sur une dernière pièce de... The Shining, avec... Ford Vivlan Min Arvedel, tiré de Seven Ford Forlare, qui est paru en 2011 sur Spine Farm. On à la semaine prochaine. Et sur ce... Allez, toujours faire foot. Ben, c'est cela. Shining, go. Go. When skies are gray, you make me realize how much I love you. Please don't take my sunshine away.